إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. On continue la lecture du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Lors du dernier cours, on avait terminé l'exégèse de Surat al-Rahman, le tout miséricordieux. Aujourd'hui, on entame le tafsir de Surat al-Qamar, appelé également Surat Iqtarabat. Surat la lune. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. Donc Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, Sourate Al-Qamar, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leur propre impulsion. Or chaque chose arrivera à son terme. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les dissuader, c'est-à-dire de commettre le mal. Une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. يقول الشيخ سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة اقتربت وهي مكية. Explication de سورات اقتربت, سورة القمر, qui est une sourate mécoise. يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها وحان وقت مجيئها ومع ذلك فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره فانبهروا لذلك ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يرد الله بهم خيرا ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا سحرنا محمد ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم إليكم من السفر فإنه وإن قدر على سحركم لا يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم فسألوا كل من قدم فأخبرهم بوقوع ذلك فقالوا سحر مستمر سحرنا محمد وسحر غيرنا وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل وهذا ليس إنكارا منهم لهذه الآية وحدها بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل والرد لها ولهذا قال وإن يروا آية يعرضوا. ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل وإن يروها بل قال وإن يروا آية يعرضوا، وليس قصدهم اتباع الحق والهدى وإنما قصدهم اتباع الهوى، ولهذا قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، وكل أمر مستقر، أي إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه خالدا مخلدا أبدا. Donc, Cheikh Saadi, رحمه الله, dit en expliquant les versets 1 à 5 de Sourate Al-Qamar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'heure qui est le jugement approche. L'heure approche, et malgré cela, ceux qui ont traité de mensonges le message de l'islam persistent dans cet égarement et ne se préparent pas à la venue de l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré des signes immenses qui prouvent que l'heure va arriver, des signes qui normalement permettent aux gens de croire sur le champ. Parmi ces immenses signes et preuves qui prouvent la véracité de l'heure et qu'elle arrive à grands pas, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ceux qui le traitèrent de mensonge ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur apporter un miracle, de faire en sorte qu'une chose extraordinaire survienne, un miracle qui prouverait que ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la vérité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique et nullement un menteur. Le prophète alayhi salatu wa sallam, après l'autorisation d'Allah Azzawajal, a fait un signe vers la lune qui s'est fondue en deux. Un flanc qui était du côté de la montagne de Abi Qubays et l'autre côté de la lune qui était au niveau de la montagne Qu'ayqi'an. Les polythéistes et autres ont vu et ont assisté à ce signe immense, à ce signe immense qui a eu lieu dans les cieux. Personne, aucune créature, ne peut dénaturer ce signe. Et ils ne peuvent pas dire que c'est une chose imaginaire. Ils ont constaté, ils ont assisté à un fait qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Et ils n'ont jamais entendu qu'un prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait apporté un miracle comme celui-ci. Ils sont donc restés ébahis. Et malgré cela, la foi n'a pas pénétré leur cœur. Allah azawajal ne leur a pas voulu de bien. Ils ont persisté dans leur erreur et dans leur mal. Et ils ont dit que Mohammed nous a ensorcelés. Puis, il leur a été dit, pour connaître la véracité de ce fait et savoir si réellement c'est de la sorcellerie ou non, il leur a été dit de demander à tous ceux qui reviennent de voyage, questionnez-les, car s'il a la possibilité, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de vous ensorceler, vous qui êtes à proximité de lui, il n'a pas la possibilité d'ensorceler ceux qui sont éloignés. Ainsi, il demandait à chaque personne qui revenait de voyage s'il a constaté la même chose qu'eux, à savoir que la lune s'est fendue en deux. Et tous leur ont informé qu'effectivement la lune s'est fendue en deux. Qu'ont dit les mouchrikoun ? فَقَالُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. C'est une magie persistante. C'est-à-dire que Mohammed nous a ensorcelés et il a ensorcelé autre que nous. Et juste entre parenthèses, concernant la fissure, le fait que la lune se soit fendue en deux, il est rapporté, après est-ce que cela est avéré ou non, que sur la lune il y a une grande fissure qui a même été constatée par la NASA, et cette fissure pourrait être un signe évident, apparent, que la lune ait été fendue. À la Kulihal, le musulman croit sans aucun doute que la lune s'est fendue en deux, car Allah Azzawajal nous l'a informé. Et dans plusieurs hadiths, cela est rapporté que la lune s'est fendue au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah dit même dans son tafsir que les hadiths rapportés sur le fait que la lune se soit fendue sont des hadiths mutawatira qui ont atteint le plus haut degré d'authenticité. Donc cela ne fait aucun doute pour le musulman. Ensuite, si c'est fait, à savoir qu'il y a une grande fissure et que cela a été constaté de nos temps, eh bien, alhamdoulilah, c'est un bien. Par contre, si il s'avère que cette affirmation est fausse ou qu'elle n'est pas avérée, cela ne change en rien notre conviction et notre croyance, à savoir que la lune a bel et bien été fendue en deux au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc dit « Sihrun mustamir », c'est une magie persistante, c'est-à-dire que Mohammed nous a ensorcelés et a ensorcelé également autre que nous. Et ceci est de la calomnie qui ne peut émaner que des pires créatures et de ceux qui sont égarés, de la guidée et qui sont dénués de raison. Il ne renie pas ce signe uniquement, mais à chaque fois qu'un signe leur parvient de la part d'Allah Azzawajal, eh bien, ils sont prêts à le rejeter et à le considérer comme faux. Pour cela qu'Allah Azzawajal dit son le sens, pour cela qu'Allah Azzawajal dit, وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا. S'ils voient un prodige, ils s'en détournent. Allah Azzawajal n'a donc pas, en parlant du prodige, Allah Azzawajal ne parle pas du fait que la lune se soit fendue. Allah Azzawajal n'a pas dit « et s'il voit ce signe ». Non, si il voit un prodige, il s'en détourne. C'est-à-dire, quel que soit le signe qu'il voit, que ce soit la lune qui se fend ou autre, eh bien, il traite cela de mensonge. Pour cela qu'Allah Azzawajal dit, il traite cela de mensonge, et en réalité, ce sont des personnes qui ne recherchent pas la vérité et la guider, mais ce sont des personnes qui se contentent uniquement de suivre leur passion. Pour cela qu'Allah Azzawajal dit par la suite, وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Ils le traitèrent de mensonge et suivirent leur propre passion. Comme l'a dit Allah Azzawajal dans le verset de Al-Qasas, le verset 50, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et s'ils ne répondent pas à ton appel, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Ainsi, celui qui cherche et qui suit sa passion, son but n'est pas de connaître la vérité et de la suivre, eh bien, l'on n'espère pas de bien d'une telle personne. Car si il recherchait véritablement la vérité, et s'il recherchait véritablement la guider, ils auraient cru de suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'auraient suivi. Car Allah azza wa jal a montré à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreux signes, de nombreuses preuves qui sont toutes les unes aussi irréfutables que les autres. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Chaque chose arrivera à son terme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas atteint leur but et n'ont pas atteint leur terme. Il viendra un moment où celui qui aura considéré vrai le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam profitera des jardins du délice, du pardon d'Allah et de sa satisfaction. Quant à celui qui traite de mensonge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce avec quoi il est venu, eh bien, il parcourra le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et la colère d'Allah s'abattra sur lui de façon éternelle. ثم قال تعالى مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح ولا اتباع للهدى ولقد جاءهم من الأنباء أي الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فيه مزدجر أي زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم وذلك حكمة منه تعالى بالغة أي لتقوم حجته على المخالفين ولم يبق لأحد على الله حجة بعد الرسل فما تغني النذر كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Puis Allah Azza wa Jal, pour montrer que ces polythéistes n'avaient pas un but saint et ils ne recherchaient pas en réalité la vérité et la guider, Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ. Ils ont reçu comme nouvelle, c'est-à-dire comme information de ce qui s'est passé auparavant et comme information de ce qui va se passer dans le futur. Et leur sont parvenus également des miracles apparents et clairs. مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ. De quoi les dissuader, c'est-à-dire que dans toutes les nouvelles qui leur sont parvenues, il y avait dans ces nouvelles de quoi les dissuader de leurs erreurs et de leurs égarements. وَذَلِكَ. Et ceci est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala baligha, parfaite, afin que la preuve soit établie contre eux et afin qu'il n'y ait plus aucun argument par la suite. فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Mais les avertissements ne leur servent à rien. Les avertissements d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont servi en rien à ceux qui les ont traités de mensonges. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset de Yunus, le verset 97, en parlant des polythéistes qui ne croient pas même si tous les signes et toutes les preuves leur parvenaient jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 6 à 8 de Sourate Al-Qamar, détourne-toi d'eux. Le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant, le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront, voilà un jour difficile. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم فلم يبق إلا الإعراض عنهم والتولي عنهم، فقال فتول عنهم وانتظر يوما وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما. وذلك حين يدعو الداع إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر، أي إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة خشعا أبصارهم، أي من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم، يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض جراد منتشر، أي مبثوث في الأرض متكاثر جدا، مهطعين إلى الداع أي مسرعين لإجابة نداء الداعي. وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم هذا يوم عسير، كما قال تعالى على الكافرين غير يسير، مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين. Donc il dit rahimahullah en expliquant ces versets 6 à 8 de sourate Al-Qamar. Allah Azzawajal dit ensuite à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que maintenant la situation de ceux qui ont traité de mensonge ton appel et ce avec quoi tu es venu, leur situation est maintenant clarifiée. Il n'y a rien à faire pour les guider. Il ne reste plus qu'à s'éloigner et à se détourner d'eux. Pour cela qu'Allah Azzawajal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fatawalla anhum, détourne-toi d'eux. Et attends le jour immense où un effroi gigantesque apparaîtra. Ceci, hina yad'u ad-da', le jour où l'appeleur appellera, qui est Israfil alayhi salam. Il appellera vers une chose affreuse, c'est-à-dire vers une chose effrayante que redouteront les créatures. Elles ne verront pas une vision aussi effrayante et aussi terrifiante. Israfil, alayhi salam, soufflera dans la trompe et sortiront, et les morts sortiront de leur tombe pour se diriger vers l'endroit du jugement. Khusha'an abasaruhum, les regards baissés. C'est-à-dire, de par l'effroi et la terreur qui atteindra leur cœur se soumettront et s'humilieront, et leurs regards seront craintifs. Yakhrujuna min al-ajdath, ils sortiront de l'ajdath qui sont les tombes. Ka'annahum, comme s'ils étaient, de par leur grand nombre et de par du fait qu'ils se précipiteront et se chevaucheront les uns les autres, ils seront comme des sauterelles éparpillées, c'est-à-dire qui se propageront sur terre et qui seront extrêmement nombreux. Car le jour du jugement, dans la terre du rassemblement, il y aura tous les êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier. Au jour d'aujourd'hui, on est 5 ou 6 milliards à l'heure où je vous parle. Et sachant que dans 100 ans, toutes les personnes vivantes actuellement, la plupart seront décédées. Et ainsi de suite, les êtres humains se succèdent les uns les autres. Donc imaginez le nombre d'êtres humains qu'il y aura sur la terre du rassemblement. Ils seront donc extrêmement nombreux. Muhti'ina ila da', courant le cou tendu vers l'appeleur. C'est-à-dire qu'ils courront pour répondre à l'appel de l'appeleur. Et cela est une preuve que l'appeleur qui est Israfil alayhi salam les appellera afin qu'ils viennent se présenter dans la terre du rassemblement. Ils répondront donc à son appel et s'empresseront même d'y répondre. Yaqulul kafirun, les mécréants diront: الذين قد حضر عذابهم, les mécréants diront lorsqu'ils verront que leur châtiment a été préparé, هذا يوم عسير, voilà un jour difficile. Ceux qui, de leur vivant, traitaient de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message avec lequel il est venu, les voilà le jour du jugement qui diront voilà un jour difficile. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Muddathir, le verset 10, عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرُ, un jour qui, pour les mécréants, ne sera pas facile. Et cela prouve que si c'est un jour difficile pour les mécréants, ce sera au contraire un jour facile, simple et aisé pour les croyants. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Donc Allah Azza wa Jalla dit selon le sens dans les versets 9 à 17 de Sourate Al-Qamar. Avant eux, le peuple de Nouh avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « c'est un possédé » et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur « moi je suis vaincu, fais triompher ». Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir de la terre des sources. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet de planches et de clous, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. Et certes, nous la laissâmes comme un signe. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? يقول الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه فذكر قوم نوح أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقدحا في نبيهم فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقدحا في نبيهم ولهذا قال هنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل وأن ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين وكذبوا في ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا فإن ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين. وازدجر أي زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفهم قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. Donc il dit rahimahullah, après qu'Allah Azza wa Jal ait cité le cas de ceux qui ont traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les signes n'apportaient pas de fruits sur eux, Allah Azza wa Jal les a alors avertis et leur a fait peur en leur citant les châtiments des peuples qui les ont précédés et qui eux aussi avaient traité de mensonges et de menteurs leurs prophètes, et comment Allah Azza wa Jal les a exterminés et comment le châtiment s'est abattu sur eux. Allah Azza wa Jal cite donc le peuple de Nuh. Nuh qui est le premier prophète qu'Allah Azza wa Jal ait envoyé à un peuple qui adorait des statues. Nuh alayhi salam les a appelés à adorer Allah seul, à ne rien lui associer. Ils ont refusé de délaisser le polythéisme. Et ils ont dit, comme Allah Azza wa Jal le relate dans Surat Nuh, le verset 23, et ils ont dit, « N'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Oud, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. » Nuh alayhi salam n'a cessé de les appeler à Allah Azza wa Jal, jour et nuit, à voix basse comme à haute voix, de façon cachée et de façon ouverte. Mais cela n'a fait qu'accroître leur entêtement. Et cela a fait en sorte qu'ils dépassent de jour en jour les limites. Et cela les a amenés à augmenter les critiques envers le prophète Nuh qui leur a été envoyé. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونَ » Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « c'est un possédé ». Car ils prétendaient, c'est-à-dire le peuple de Nuh, que ce sur quoi ils étaient ainsi que leurs ancêtres, comme polythéisme et égarement, est ce qui est soutenu par la raison et ce qui est logique, et que ce avec quoi est venu Nuh alayhi salam n'est qu'ignorance et égarement. Et que ce avec quoi est venu Nuh alayhi salam ne peut émaner que des fous et des possédés. Ils ont donc traité de menteur Nuh alayhi salam et ils ont inversé les réalités. Car en réalité, ce avec quoi est venu Nuh alayhi salam est la vérité ancrée, celle qui oriente les raisons, celle qui oriente vers la guidée, la lumière et la bonne voie. Et ce dans quoi ils sont comme polythéisme n'est que ignorance et égarement manifeste. Puis Allah Azza wa Jal dit « Wazdujir » et il fut repoussé. C'est-à-dire que Nuh alayhi salam fut repoussé par son peuple. C'est-à-dire que son peuple l'ont rejeté et ont fait preuve d'hostilité à l'égard de Nuh alayhi salam lorsqu'il les appelait à adorer Allah azza wa jal. Et ils ne se sont pas contentés de le rejeter et de faire preuve d'hostilité envers lui. Ils ne se sont pas contentés de ne pas croire en lui, ni de le traiter de menteur, mais ils lui ont porté préjudice, et ceci autant qu'ils le pouvaient. Et ainsi sont l'ensemble des ennemis des prophètes. Ainsi ils sont envers leurs prophètes, ils ne croient pas en eux, ils les traitent de menteurs et les agressent et leur font subir des préjudices. فَعِنْدَ ذَلِكَ دَعَى نُوحٌ رَبَّهُ فقال إني مغلوب لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل الناذر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، فانتصر اللهم لي منهم. وقال في الآية الأخرى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات، فأجاب الله سؤاله وانتصر له من قومه. قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي كثير جدا متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي لم تجري العادة بوجود الماء فيه، فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار. فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر من الله له بذلك، قد قدر أي قد كتبه الله في الأزل وقضاه، عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر، أي المسامير التي سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها. أسمولا نوح عليه السلام انفوكا سون سينيور اي دي إني مغلوب، moi je suis vaincu. C'est-à-dire que je n'ai pas la capacité de vaincre mon peuple, car n'ont cru en Nuh alayhi salam que très peu de personnes. Et ces personnes ne pouvaient pas et n'avaient pas la capacité de prendre le dessus sur leur peuple. Nuh alayhi salam a donc invoqué son Seigneur en disant « Moi, je suis vaincu, fais triompher », c'est-à-dire ta cause. C'est-à-dire « Oh Allah, fais-moi triompher sur eux ». Et dans l'autre verset de Surat Nuh, dans le verset 26, Nuh alayhi salam a invoqué son Seigneur en disant « Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin adayyara »« Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle ». Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de Nuh et lui a accordé victoire sur son peuple. Allah Azza wa Jal dit فَفَتَحْنَا بُوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une pluie torrentielle, c'est-à-dire à une énorme quantité d'eau qui s'est succédée. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Et nous fîmes jaillir de la terre des sources. Ainsi, descendait du ciel une quantité d'eau extraordinaire et sortait également et jaillissait de la terre une quantité extraordinaire d'eau, au point que les fours qui, pour habitude, ne sont pas atteints par l'eau, sont devenus des sources d'eau, au point que les fours que les gens utilisaient pour faire cuire le pain ou autre étaient pleins d'eau et étaient des sources dans lesquelles jaillissait l'eau, pour montrer qu'il n'y avait pas un endroit sur terre dans lequel l'eau ne jaillissait pas. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Hud, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ النُّورُ. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau. فَالْتَقَ الْمَاءُ. Puis Allah Azza wa Jalla dit, les eaux se rencontrèrent. C'est-à-dire l'eau des cieux et l'eau de la terre se rencontrèrent, ala amrin qad qudir, ils se rencontrèrent d'après un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était déjà décrété. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal avait déjà écrit auparavant ceci en guise de châtiment pour ces injustes et pour ce peuple qui a outrepassé toutes les limites. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Et nous le portâmes sur un objet de planches et de clous. C'est-à-dire que nous sauvâmes notre serviteur Nuh alayhi salam, qui était sur cette arche constituée de planches et de clous. Des clous qui permettaient de réunir de relier les différentes planches et ainsi de consolider l'ensemble de l'embarcation. تجري بأعيننا أي تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى وهو نعم الحافظ الوكيل جزاء لمن كان كفر أي فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام جزاء له حيث كذبه قومه وكفروا به فصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد ولا صده عنه صاد كما قال تعالى عنه في الآية الأخرى وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ويحتمل أن المراد أن أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف ولقد تركناها آية فهل من مدكر أي ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعبده نوح عليه السلام ثم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته فهل من مدكر أي فهل متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها فإنها في غاية البيان واليسر فكيف كان عذابي ونذر أي فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي لأحد عليه حجة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأدى ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه قال بعض السلف عند هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله فهل من مدكر. Donc Allah Azzawajal a sauvé son serviteur Nuh alayhi salam par l'arche qui était constituée de planches et de clous. Tajri bi'ayunina, voguant sous nos yeux, c'est-à-dire cette arche qui voguait dans ces eaux immenses. C'est-à-dire que Nuh alayhi salam naviguait ainsi que ceux qui ont cru en lui et qui étaient présents avec lui, ainsi que tous les couples d'animaux et d'êtres vivants que Nuh alayhi salam a fait embarquer avec lui dans cette arche. Tout ceci sous la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la protection d'Allah qui les a protégés de Anil Gharaq, qui a protégé l'embarcation du naufrage. Et Allah Azzawajal est celui qui protège et c'est celui en qui l'on place notre confiance. Jaza'an liman kana kufir, récompense pour celui qu'on avait renié. Qui a été renié? Nuh alayhi salam, par son peuple. Donc ici, Allah Azzawajal dit en récompense pour celui qu'on avait renié. Donc Allah Azzawajal a sauvé Nuh alayhi salam en récompense. Allah Azzawajal récompense donc Nuh de par le fait qu'il a été renié par son peuple. C'est-à-dire que nous avons fait ce que nous avons fait à Nuh alayhi salam en le sauvant du naufrage, ceci en récompense de par le fait que son peuple l'avait traité de menteur, qu'ils n'ont pas cru en lui, et malgré cela, il a patienté dans son appel à Allah Azzawajal, et il a persisté dans le commandement d'Allah. Rien ne l'a fait arrêter, et rien ne l'a fait détourner de cette mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée, comme il le dit Azzawajal dans le verset 48 de Sourate Hud. Puis il fut dit, ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Donc ça c'est l'un des premiers sens de ce verset. Et le deuxième sens du verset est que nous avons fait périr le peuple de Nuh. Et nous avons fait ce que nous avons fait sur eux en guise de châtiment et d'humiliation, de par leur mécréance et leur entêtement. Et ceci, c'est-à-dire ce deuxième sens, est soutenu par l'autre lecture de ce verset, dans lequel il y a une fatha sur le kef. Car il y a deux lectures, jaza'an liman kana kufir, jaza'an liman kana kafar. Jaza'an liman kana kufir, c'est-à-dire la récompense pour celui qu'on avait renié, qui est Nuh alayhi salam, ou une récompense pour ceux qui ont mécru. Jaza'an liman kana kafar, avec la fatha sur le kef. Et ici, le sens de ce verset avec la fatha sur le kaf, c'est que c'est une rétribution d'Allah, un châtiment qu'Allah Azzawajal a fait abattre sur le peuple de Nuh en les faisant noyer parce qu'ils se sont entêtés et ont mécru en Nuh alayhi salam. Wa laqad taraknaha ayatan fa hal min mudakkir. Et certes, nous la laissâmes comme un signe, c'est-à-dire d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Nous la laissâmes, c'est-à-dire l'histoire de Nuh avec son peuple, comme un signe pour que se rappellent ceux qui veulent se rappeler que celui qui désobéit au prophète et celui qui s'entête dans le faux, Allah Azzawajal l'exterminera par un châtiment global et douloureux. Ou, ce qui... Donc ça, c'est l'un des sens. L'autre sens est que... وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا. Ici, le pronom revient au bateau, à l'arche de Nuh. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا. Et nous la laissâmes. Soit le sens est cette histoire de Nuh, afin qu'elle soit un rappel, ou soit c'est l'embarcation. Nous la laissâmes, c'est-à-dire l'embarcation et le genre, c'est-à-dire ce n'est pas l'embarcation, l'arche de Noé en elle-même, mais toute embarcation maritime, tout bateau ou autre. Et que chaque bateau, eh bien, a pour base, a pour origine l'enseignement d'Allah à son serviteur Nuh alayhi salam. Car Nuh alayhi salam, qui lui a enseigné comment construire une arche, un arche, Allah Azza wa Jal. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا أَنْ يَصْنَعَ الْفُلْكَ et nous lui avons et nous lui révélâmes de construire l'embarcation. Donc Nuh alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a enseigné. Donc le fait de voir un bateau, cela nous fait rappeler que l'existence même du bateau est la révélation d'Allah à Nuh alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jal a fait perdurer et a fait en sorte que les bateaux existent et qu'ils soient construits entre les gens afin de montrer la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs et comme il a montré également que c'est une invention gigantesque et extrêmement bénéfique. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir sur les signes ? Quelqu'un qui pencherait sa réflexion et sa pensée sur tout ce qui découle de ces signes qui sont clairs et évidents ? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements ? C'est-à-dire, comment trouves-tu, ô toi à qui l'on s'exprime ? Comment vois-tu le châtiment d'Allah douloureux et ses avertissements qui ne laissent plus aucune preuve à quiconque ? وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? C'est-à-dire que nous avons facilité et nous avons rendu aisé ce noble Coran. Ces termes, les termes du Coran, sont faciles à apprendre et sont faciles à prononcer. Ces sens sont facilités pour celui qui veut comprendre et qui veut acquérir la science. Il n'y a pas de paroles dont les termes sont plus beaux que ceux du Coran. Il n'y a pas de paroles plus véridiques que le Coran. Il n'y a pas d'explication plus claire que le Coran. Et toute personne qui accourt vers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera sa tâche et lui permettra d'atteindre son but. Et le rappel, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir et pour se rappeler ? C'est-à-dire, ici le rappel englobe tout ce qui peut être rappelé, que ce soit le halal et le haram, que ce soit les jugements qu'Allah Azza wa Jal, les choses qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne ou nous interdit, que ce soit les rétributions, que ce soit les exhortations ou les morales. Également, les croyances bénéfiques ainsi que les informations véridiques qui sont présentes dans ce Coran. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتيسيرا أسهل العلوم. Pour cela que la science du Coran, que ce soit l'apprentissage du Coran ou l'explication du Coran fait partie des sciences les plus simples et les plus faciles. Et c'est également la science la plus noble. Si on vous demande quelle est la science la plus noble, c'est la science du Coran. Car l'on apprend l'explication de la parole de qui ? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une science bénéfique. Celui qui la demande, celui qui la recherche, il sera aidé dans cette recherche. Pour cela que certains salafs, lorsqu'ils expliquer ce verset, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Et nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Certains élèves disaient, y a-t-il un talib ilm, y a-t-il une personne qui veut apprendre la science et qui se verra aider dans son apprentissage? Ainsi Allah Azza wa Jal appelle ses serviteurs à accourir vers le Coran et à se rappeler le Coran en disant فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرٍ. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la lecture du tafsir de Cheikh Saadi rahimahullah et de nous combler de ce bienfait immense, inshallah ta'ala, de pouvoir terminer le tafsir dans sa totalité, inshallah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.